Plage 5, le travail. Beaucoup trop d'entre nous exercent un métier dans lequel ils ne se sentent pas bien, ou pas à leur place, avec le regret de ne pas avoir choisi une profession qui leur correspondait mieux et dans laquelle ils pourraient s'épanouir chaque jour, prenant un réel plaisir à travailler, voire même à ce que leur métier ne soit pas une obligation, mais plutôt une passion. Il y a des chances pour que cela provienne d'un manque de confiance en vos capacités. Peut-être certaines personnes vous ont-elles assuré que vous ne feriez jamais rien de bien dans la vie, que vous étiez inférieur aux autres, qu'elles vous ont ôté toute motivation et envie de faire la carrière dont vous rêviez. Alors, nous allons remédier à cela et réveiller vos capacités ainsi que vos réelles envies. Conservez l'état de relaxation dans lequel vous êtes grâce à la plage 3 de cet enregistrement. Respirez profondément et gardez les yeux fermés. Nous voici dans une classe d'école dont les élèves ont environ 10 ans. Cette salle vous est familière. Vous l'avez fréquentée pendant au moins une année. Remémorez-vous ce moment. Revoyez les murs, les tables, les chaises, le tableau, le bureau de votre professeur qui y est assis derrière. Respirez cette odeur si particulière. Observez vos camarades, écoutez-les parler, revoyez vos meilleurs amis de l'époque. Ils discutent avec l'enfant que vous étiez alors. Votre vous enfant est assis là, derrière son pupitre. Soudain, le professeur se lève et annonce qu'elle va rendre les copies du dernier contrôle de connaissances. Peu importe la matière, continuez d'observer votre enfant de l'époque, qui sent le stress monter en lui progressivement, car il a peur d'avoir échoué. Le professeur remet les copies à quelques élèves. Ils sont contents de leurs notes. Puis, il s'approche de votre enfant et il lui tend sa feuille. L'enfant la regarde et constate qu'il a seulement 2 sur 10. Il est déçu. Il y a également un commentaire écrit en rouge. Élève mauvais ne connaît pas ses leçons. Ressentez le désarroi de l'enfant, son sentiment d'impuissance, son envie de pleurer. Mais il n'ose pas montrer sa peine devant tous ses camarades. Une boule d'anxiété se crée au niveau de son estomac. Le professeur est face à lui et lui dit d'un ton sec : Tu es vraiment un élève nul. Cet examen était facile et toi, tu n'as pas été capable de répondre correctement. Tous tes camarades ont réussi, sauf toi. Tu ne feras jamais rien de bien dans la vie avec des résultats pareils. Tu es désespérément bête. Ressentez la détresse de l'enfant que vous étiez face à ce constat d'échec, avec la peur d'avoir à avouer à ses parents qu'il a échoué au test et de s'entendre dire encore une fois qu'il est bête. Il verse une larme, alors que tous ses camarades commandent joyeusement leur copie. Il se sent tellement inférieur à eux, isolé, différent. La cloche sonne pour annoncer la récréation et la classe se vide peu à peu. Vous en profitez pour approcher de lui, pour vous accroupir et le serrer très fortement dans vos bras et le réconforter. À partir de maintenant, je vous demande de tapoter vos cuisses avec vos mains, comme je vous ai appris à le faire, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Vous prenez l'enfant par la main et vous l'emmenez rejoindre son professeur qui est en train de classer des documents sur son bureau. Là, il se place à sa hauteur et lui dit ceci. Je m'excuse de t'avoir dit tout ceci, c'est pas vrai. T'es pas nul, t'es même très intelligent. Tu me l'as déjà prouvé. Et je sais que tu es capable de faire beaucoup mieux. En te disant ceci, je pensais te stimuler à travailler. Mais j'ai eu tort. Je m'en excuse. Tu as été moins bon sur cet examen ? Et alors ? C'est pas grave. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire que tu es idiot pour autant. Tu étais peut-être un peu fatigué, mais bon. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Même à nous, les adultes. Tu as le droit d'être moins performant à certains moments. Ne t'en fais pas. Le professeur étreint l'enfant chaleureusement et lui dit au coin de l'oreille « Tu es quelqu'un de très bien et de très capable. Tu es intelligent, plein de ressources. Et plus tard, je suis certain que tu pourras faire le métier dont tu rêves, quel qu'il soit. » L'enfant sourit. Il se sent mieux, il est rassuré. Ressentez sa joie renaître. Imprégnez-vous de la légèreté qui s'empare de lui progressivement. Il se sent de plus en plus sûr de lui. Vous reprenez l'enfant par la main et l'amenez un peu à l'écart pour lui parler. Observez le sourire qui se dessine sur son visage quand vous lui dites ceci. « Tu sais, plus tard tu seras capable de faire le métier dont tu rêves, peu importe ce que c'est, dans lequel tu seras heureux, épanoui, à ta place, passionné, bien payé, rempli de succès. Tu es tellement intelligent, tu es tellement capable, courageux, tu as vraiment de quoi être fier de toi. Nous sommes tous très fiers de toi. Tu auras une multitude de talents à ta disposition et tout le monde t'appréciera. Et quand tu décideras d'en changer, tu le feras facilement. Toutes les portes te seront toujours grandes ouvertes, car tout sera possible. Tu n'auras qu'à choisir uniquement ce qui te fait envie. Rien ni personne ne pourra t'arrêter. Pour tout le monde, tu seras un symbole de réussite et de travail bien fait. Et tout ça, nous le ferons ensemble. Toi et moi. Tu es d'accord ? L'enfant répond que oui, il est d'accord. Ressentez la joie et la confiance qui submergent l'enfant que vous étiez à ce moment-là. Profitez-en encore. Faites provision de toute cette grande force qui est désormais en lui et donc également en vous. Serrez votre enfant encore une fois dans vos bras et dites-lui que vous l'aimez. Sentez cet amour sortir de vous et sortir de lui, mais aussi toute cette confiance inaltérable. À présent, vous pouvez arrêter de tapoter vos cuisses. Vous raccompagnez l'enfant jusqu'à son pupitre et vous l'aidez à ranger ses affaires. Puis, tranquillement, vous vous dirigez vers la porte de sortie de la classe. Faites-lui un petit bye-bye de la main. Regardez le sourire de joie et de confiance. Son visage est illuminé, resplendissant de bonheur. Il vous rend votre bye-bye. Puis, vous quittez la classe tranquillement. À présent, si vous souhaitez explorer d'autres domaines de votre vie avec cet enregistrement, gardez simplement les yeux fermés et une respiration profonde. Si vous désirez interrompre le travail et le poursuivre ultérieurement, alors vous allez pouvoir revenir ici et maintenant au décompte de 5. 5. 4. 3. 2. 1. Prenez votre temps et profitez encore un instant de l'état de bien-être dans lequel vous vous trouvez.